La petite Virginie dont on a tant parlé est finalement décédée, pendue par les pieds. Mais non, vous avez loupé le journal télévisé. Il paraît qu'elle aurait été aussi brûlée. La télé nous inonde d'images sordides pour entrer dans nos cerveaux et y mettre du vide. Et ce repère de surfait est histoire cruelle pour nous montrer la merde plutôt que le ciel. Mes très chers amis les médias, vous ne me pourrirez pas. Les mensonges de vos caméras va rejoindre mes grappas. Mes très chers amis les médias, je ne vous aime pas. Vous pourrez bien vite remballer vos postes de télé. Des images plein les yeux, du bruit plein les oreilles. Big Brother m'a maté, je n'ai plus sommeil. Mais difficile d'enregistrer ces programmes tous parés. Et je continuerai quand même à zapper, mais que quelqu'un me réveille. On s'amusait bien quand j'étais enfant avec la balançoire. On regardait lentement passer les beaux soirs. Mais un autre monde a pris mon réel pour me rendre robot. Mais pas vos virtuels, à vous les studios. Mes très chers amis les médias, vous ne me pourrirez pas. Les mensonges de vos caméras va rejoindre mes grappas. Mes très chers amis les médias, je ne vous aime pas. Vous pourrez bien vite remballer vos postes de télé. N'existe presque plus que dans un néant rageur. Mais bon, pour la mise à vue, la critique, la rumeur, elle fera penser de toi ce qu'elle veut, la lucarne dictateur. Va falloir innover, hé, hey, messieurs. La gueule se perd des galons. L'ordinateur nous a sauvés, pluralise l'opinion. Et quant à moi, pour en finir, je vais me faire casseur. Des cristaux livides à démolir, tu parles un vrai bonheur. Mes très chers amis